dialoguer avec moi aussi. Et Jenny, j'ai jamais vu autant de filles qui veulent dialoguer en 5 minutes. Elles sont toutes jolies, elles ont toutes moins de 30 ans, elles habitent toutes à Paris. Quelle coïncidence, arrêtez de prendre pour un con. Je n'ai pas envie de dépenser du pognon. C'est du reggae un peu bordélique, je ne sais pas quoi dire. Tout ce dont j'ai besoin c'est d'amour. Dialoguer. Je n'arrive pas à lire. la batterie là. Ready? Je suis dans une famille modeste. Je préfère. For what? Salut Tom, salut Tom, yeah. Ça, il saute bien. Allez, vas-y, envoie un petit ton truc. C'est pas mal comme ton truc là. Ton petit ton là. La guerre, c'est des choses que je déteste. Je grandis dans les champs, à répéter les mêmes gestes, pour gagner un peu d'argent, car la misère m'est indigeste. Tu sais ce que j'en pense. Merci Ben. Tu as mon adresse? Si t'étais là, je t'aurais payé un punch. Qu'on s'appelle le punch avec plein de fruits. Et maison. Il est super bon. Un punch, non, mais. Comment ça s'appelle ? Un punch ? Ah oui, c'est un punch. Je suis con. J'en ai bu qu'un verre pourtant. Ah, sinon, tu peux boire le punch coco aussi. 80. Un jour, je comprendrai comment ça fonctionne. Un jour, je comprendrai. Non. Pourquoi ça synchronise pas, moi ? J'ai perdu mes médiators. Tu peux changer le batteur, s'il te plaît. Thank you. 1, 2, 3, 4. Je m'adapte. Reste Ben. Viens. Ben. Garde. Ton petit piano là. Connais bien les primordes de bac à sable. On mange ? Je vais manger Lola. connais bien. Tatatan. Ah oui, le lien. Oh merde, je l'ai pas noté le lien. Il est où le lien? Ah, il est là. Ah ouais, ouais. Putain, Benji, Benji. Hop, copier. Merde, comment on fait pour copier? Oh mince. Attends. Putain, j'ai perdu le lien. Faut tout remonter à chaque fois, on peut pas remonter. Ah. Alors voilà. Tac. Arc. Contrôle C. Lola, je suis qu'un fantôme. Quand tu vas où je suis pas. Enregistré sous piano. VST. Merci Benji. Ça fait drôle de parler à un Benji. Milouz. Merci Milouz.